Question 19. Ces panneaux me concernent. Si je tracte une caravane, oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tracte une remorque de 400 kg, oui, réponse C. Non, réponse D.